dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Fin de l'histoire. Notre père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Ah, c'est beau ça. C'est qui ça? Oui?